Mais avant de revenir sur la question technique, qui est une question majeure et absolument, évidemment, on l'a compris, essentielle, incontournable pour cette période de la vidéo des premiers temps, on vous propose de rentrer aussi dans le vif des productions, si j'ose dire, que vous aviez pu réaliser à cette époque. Et on vous propose de voir un extrait du Phare tourné par Carole... Tourné par Carole Roussopoulos. Donc entre mai et juin 1971, il faut savoir que le 1er mai 1971, pour la première fois au sein du cortège syndical classique de la fête des travailleurs, et souvent, surtout à cette époque, moins des travailleuses, c'était la première fois qu'il existait un cortège spécifiquement homosexuel. Et Carole a tourné à l'occasion donc, du 1er mai. C'est en même temps la sortie d'un numéro très important de tout autour de la question des sexualités, notamment du droit à l'homosexualité. Et ensuite, Carole a tourné une rencontre à l'université de Vincennes, on y revient toujours, et on fera l'an prochain d'ailleurs une séance aussi spécifique sur la vidéo à Vincennes, qu'aujourd'hui on ne peut qu'effleurer. Et donc on vous propose de regarder le début, puisque c'est une bande absolument essentielle, donc c'est très tôt, je le répète, mai-juin 71, et probablement ce qui a été tourné par Carole à ce moment-là ne pouvait pas être tourné autrement qu'en vidéo, en tout cas, je pense que pour des raisons beaucoup moins techniques, bien sûr, qu'idéologiques. Et qui nous feront des petits, etc. Cette morale ne nous convient pas. La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas. La société, donc, ne nous convient pas non plus. Par conséquent, la seule position politique possible est une position révolutionnaire. Mais alors, problème, nos rapports avec les partis, les différents partis de gauche. Et là, nous nous sommes trouvés, eh bien, dans la même. Les groupes gauchistes, les partis, tout ce que vous voulez, de toute façon, pour nous, c'est à peu près dans le même panier par rapport à l'homosexualité. C'est-à-dire que, dans les groupes gauchistes ou ailleurs, de même que les femmes sont toujours traitées comme des êtres subalternes et inférieurs, les homosexuels également. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous nous groupons entre homosexuels. Évidemment, il y a parmi nous des bisexuels. Et le problème s'est posé dans le cadre de la répression sexuelle. Pourquoi ne défendez-vous pas plutôt la bisexualité? Eh bien, d'abord, parce que c'est une chose qui est facilement récupérable, aussi bien au niveau des gars que des filles. Après tout, si un gars est capable quand même de baiser de temps en temps une femme, ça prouve qu'il est quand même un mâle. Bon, pour une fille, si elle baisse de temps en temps un gars, ça prouve que simplement elle est un peu plus vicieuse que les autres, donc encore plus désirable pour les mecs. Par conséquent, parmi nous, même ceux qui pratiquent la bisexualité, ce que nous revendiquons tous, c'est l'homosexualité et rien d'autre. Disons que c'est une tactique qui correspond au moment de notre lutte, qui est à ses débuts. Je parle de toutes ces idées-là, d'abord, qui nous ont réunis et sur lesquelles nous sommes très fermes. Il est évident qu'il n'est pas question de recruter tous les homosexuels sans distinction. Que nous ayons parmi nous, de même qu'il y a des hétéroflics, des homoflics réformistes. Pas question. La distinction, nous n'en voulons pas. Cela sous-entendrait que nous pensions que la société bourgeoise peut admettre l'homosexualité. Nous ne le croyons pas, pas plus d'ailleurs qu'elle admette la sexualité libre, quelle qu'elle soit. Tout au plus, admettra-t-elle à la rigueur la pornographie? En tout cas, la pornographie, c'est toujours pareil. C'est pour les bourgeois pleins de fric, et surtout, c'est pour les hommes. Bon, donc rien pour nous. Nous ne voulons pas faire un nouveau ghetto non plus. Faire un rassemblement de troupeaux pour nous serrer entre nous. Nous voulons agir. D'où, justement, notre participation au défilé du 1er mai. D'autres actions qui suivront. Il y a eu, bien entendu, les articles que nous avons faits dans tout, visiter aussi un certain nombre de nos positions. Et je ne suis pas représentative de moi du monde. D'ailleurs, personne parmi nous n'est représentative. Nous ne sommes pas un repas bureaucratique avec des structures hiérarchisées. Absolument pas. Ce qui fait que je ne peux rien vous dire sur l'avenir. Là, je vous ai raconté nos idées. Ce que nous avons fait, grosso modo, vous avez pu le voir dans tout et dans ce film, mais je ne peux rien dire de ce que nous ferons ensuite, parce que je ne suis pas représentative et que c'est aux camarades à en décider, à en parler dans les AG que nous avons tous les jeudis au Beaux-Arts de 6 à 8.